Chapitre 11e, Marie de Médicis, reine de France. 1. Les infortunes du capitaine Bonvouloir. Marie de Médicis fut la seconde femme d'Henri IV. Elle ne valait point la première. Galante, elle aussi, mais sans ses qualités et ses défauts charmants qui font excuser les fautes. Henri IV en eut le pressentiment. Quelque temps avant la dissolution de son mariage, causant avec Sully, il passait en revue les princesses à marier. « Le duc de Florence, lui dit-il, a une nièce que l'on dit être assez belle, mais elle est de la maison de la reine Catherine, qui a fait bien du mal à la France, et plus encore à moi en particulier. J'appréhende cette alliance pour moi, pour les miens et pour l'État. » Il avait un portrait d'elle, mais ce portrait avait 10 ans de date et était flatté, comme tous les portraits de filles ou de princesses à marier. Marie de Médicis était née le 26 avril 1573 à Florence. Elle était fille de François Ier, duc de Toscane, et de Jeanne, archiduchesse d'Autriche. À l'époque où elle se maria, elle avait 27 ans. Elle n'était pas belle. Elle était grande, mais de taille épaisse, et coquette sans goût. Elle s'habillait mal et ignorait l'art de plaire. Ses grands yeux ronds et fixes manquaient d'âme. Elle avait l'air revêche et dédaigneux. Siury et d'Alincourt furent chargés par le roi de négocier son mariage. Henri, en s'alliant à une nièce d'ancien banquier, tenait à la dot. Il avait demandé une dot de 1 200 000 écus. Il n'en obtint que la moitié et à grand-peine. Le mariage fut célébré par procuration à Florence avec une magnificence inouïe. Le 17 octobre 1600, Marie s'embarqua à Livourne, accompagnée de 17 galères de Toscane, du pape et de Malte. La galère la générale, qu'elle montait, était incrustée de pierreries, en dehors comme en dedans. De Marseille jusqu'à Lyon, son voyage ne fut qu'une longue ovation. Sa suite était aussi nombreuse que magnifique. Elle se composait de 7 000 personnes. C'était, comme on le dit alors, une véritable invasion italienne. Le roi, qu'avait retenu la guerre de Savoie, accourut en poste à Lyon. Mais arrivé pendant la nuit, il trouva les portes fermées. Après s'être morfondu sous les murs de la ville pendant 1 heure, il se rendit chez la reine et entra chez elle tout beauté et tout armé. Marie se jeta à ses pieds. Il s'empressa de la relever, l'embrassa et lui dit en riant « Je suis venu à cheval. Je n'ai pu apporter mon lit et je vous prierai de me prêter la moitié du vôtre. » Mais entré chez sa femme avec le sourire sur les lèvres, il en sortit le lendemain la mine longue et le front soucieux. D'abord, le portrait avait menti de 10 ans. Puis Marie n'avait rien de caressant dans les manières, aucune gaieté dans l'esprit. À peine savait-elle quelques mots de français. Il se plongea dans les affaires, traita avec la Savoie, puis, sa besogne de roi terminée, retourna chez sa maîtresse, la marquise de Verneuil. En définitive, il devait avoir prévu l'ennui que lui inspirerait sa femme, car la marquise n'avait pas cessé d'habiter le Louvre. C'était elle qui avait reçu la reine. Et par un singulier mépris de toute convenance, elle occupait un appartement voisin de celui de Marie. « Madame de Verneuil, disait-il à Sully, quelques jours après son mariage, est d'agréable compagnie quand elle le veut. Elle a de plaisantes rencontres et toujours quelques bons mots pour me faire rire, ce que je ne trouve pas chez moi, ne recevant de ma femme ni compagnie, ni réjouissance, ni consolation. Ne pouvant ou ne voulant se rendre complaisante de douces conversations, ni s'accommoder en aucune façon à mes humeurs et complexions. Elle fait une mine si froide et si dédaigneuse, lorsqu'arrivant du dehors, je viens pour l'embrasser et rire avec elle, que je suis contraint de la quitter là, et de dépit, de m'en aller chercher quelque récréation ailleurs. Mais de son côté, la Florentine se trouvait déçue, et dans l'époux qui lui paraissait vieux et désagréable, elle soupçonnait encore, en fanatique qu'elle était, un hérétique relapse. Enfin, Talmand et Réau nous explique tout à fait son aversion pour Henri IV dans un mot qu'il prête à Madame de Verneuil. « Cette Verneuil, dit-il, était fille de Monsieur d'Entraigues, qui épousa Marie Touchet, fille d'un boulanger d'Orléans, et qui avait été la maîtresse de Charles IX. Henri IV a eu une quantité étrange de maîtresses. Il n'en était pourtant pas grand abatteur de bois. Aussi était-il toujours cocu. On disait en riant que son second avait été tué. Madame de Verneuil appela un jour le capitaine Bonvouloir. Et une fois, car elle le grondait cruellement, elle lui dit « Que bien le prenait d'être roi, que sans cela on ne le pourrait souffrir, car il puait comme une charogne. » Elle disait vrai. Il avait les pieds et le gousset fins, et quand la reine couche avec lui la première fois, quelque bien garnie qu'elle fût d'essence de son pays, elle ne laissa pas que d'en être terriblement parfumée. Le roi Louis XIII, pensant faire le bon compagnon, disait « Je tiens de mon père, je sens le gousset ». Ce défaut avait déjà répugné à Marguerite, ainsi qu'on l'a vu plus haut. La mésintelligence entre les deux époux éclata dès les premiers jours. Marie reprocha au roi sa constance envers Madame de Verneuil. Henri reprocha à la reine son entourage étrange de Sigisbée ou de Galant, parmi lesquels on distinguait les deux Orsini et Concini. Ce dernier surtout, et sa femme Léonora Dori, dite Galigai, exerçaient sur elle un empire absolu. Ces sujets de discussion amenaient des querelles parfois violentes. Henri était souvent obligé de se lever dans la nuit, pour se soustraire aux reproches et à la mauvaise humeur de sa femme. On ne les voyait jamais 8 jours sans querelle. Marie était boudeuse ou colère. Un jour, elle sauta au visage de son mari et l'égratigna. Une autre fois, la colère la poussa jusqu'à lever le bras, que le bon Sully rabattit avec moins de respect qu'il n'eût désiré, et si rudement qu'elle se plaignit qu'il l'avait frappée. Quoiqu'elle se loua de son procédé, reconnaissant que sa prévoyance n'avait pas été inutile. Au fond, Henri IV était bon diable. Il n'avait pas de rancune, et s'il n'aimait point sa femme, il ne lui en voulait point de ces scènes désagréables. Elle boudait, il revenait à elle, et faisait toujours les premiers pas. 2. Les époux Concini. Marie était aussi très mal conseillée. Léonora Dori, sa femme de chambre, et le mari de celle-ci, le seigneur Concini, l'avaient entièrement subjuguée et prenaient soin d'attiser sa jalousie et son humeur grondeuse. Ces deux personnages ont joué un trop grand rôle dans sa vie pour qu'il ne soit pas indispensable d'en donner ici l'esquisse biographique. Concini était un Florentin d'assez bonne famille. Son grand-père avait été secrétaire d'État du grand-duc Comme, mais ce garçon, dit allemand des Réaux, dès sa jeunesse, s'adonna à toutes les débauches imaginables, mangea son bien et se rendit si infâme que la première chose que les pères défendaient à leurs enfants, c'était de hanter Concini. N'ayant plus de quoi vivre à Florence, il s'en alla à Rome et servit de croupier au cardinal de Lorraine. Celui-ci ayant quitté Rome, il rentra à Florence. Quand il sut qu'on faisait la maison de Marie de Médicis, dont le mariage était conclu avec Henri IV, il y entra en qualité de gentilhomme suivant et vint en France avec elle. Or la reine avait une femme de chambre, nommée Léonora Dori, fille de basse naissance, mais qui était adroite, et qui connut incontinent que sa maîtresse était une personne à se laisser gouverner. En effet, elle ne tarda pas à capter sa confiance. Concini, qui avait de l'esprit, s'attacha à cette Léonora, et lui rendit tant de petits soins qu'elle se résolut à l'épouser. Et elle déclara son intention à la reine, qui n'eut garde de ne pas l'approuver, tandis qu'au contraire Henri IV, qui devinait le jeu de ces deux individus, s'y opposa. Le mariage s'accomplit. Concini était un grand homme, ni beau ni laid, et de mine assez passable. Il était audacieux, ou pour mieux dire, insolent. Il méprisait fort les princes, en cela il n'avait pas grand tort. Habile et cupide, il amassa rapidement une fortune considérable. Il eut une cour. Talmont ajoute, il était libéral et magnifique, et il appelait plaisamment ses gentilshommes suivants Coglioni di Mila Franchi. C'étaient leurs appointements. On ne l'a pas tenu pour vaillant. Il eut une querelle avec M. de Bellegarde, qui avait prétendu être le galant de la reine, et il se sauva à l'hôtel de Rambouillet. Dame, il gardait son bien, et il avait le droit de se montrer jaloux. N'était-ce pas lui qui consolait Marie des infidélités de Henri? Cependant, malgré l'éclatante faveur dont il jouissait, les prétendants ne se rebutaient point et ne se laissaient pas décourager, témoin M. de Bellegarde. C'est que la reine, s'autorisant de la conduite de son mari, cédait à la fougue d'une seconde jeunesse et à l'ardeur d'un tempérament qui eût lassé le capitaine bon vouloir. Mais ses galanteries se dérobaient sous les dehors d'une dévotion austère. Cette dévotion ne ressemblait point à celle de la reine Marguerite. Celle-là était plutôt la superstition d'une imagination ardente, bizarre et romanesque. La reine Marie de Médicis avait la dévotion espagnole, un fanatisme sombre. En tout cas, ces deux femmes, Marguerite et Marie, donnaient assez de soucis à l'honnête Sully, le gardien de l'épargne royale. Elles rivalisaient de folles prodigalités. Tandis que l'une se faisait bâtir un palais, l'autre comblait de présents son favori et sa femme Léonora. Concini, débarqué pauvre, avait un petit palais dans le faubourg Saint-Germain et menait un train de prince. Léonora était accablée de bijoux et de pierreries qu'elle amassait avec passion. C'était une bien étrange créature. Voici ce que nous en apprend Talmont des Réaux. Quoiqu'elle eût été si longtemps avec la reine, elle n'en savait pas mieux son monde. En Italie, elle ne voyait personne, et dès qu'elle fut en France, elle s'enferma, car elle était fort bizarre, de sorte qu'elle ne savait point vivre à la mode de la cour. J'ai ouï dire à Madame de Rambouillet qu'elle l'embarrassait fort quand elle l'allait voir, et que quelquefois cette femme, croyant lui faire bien de l'honneur, ne la traitait pas selon sa condition. Voilà la confidente d'une reine de France. D'ailleurs, Marie de Médicis, bien qu'elle tînt de sa famille et de son pays du goût pour les arts ou plutôt pour la protection des arts, était d'une instruction médiocre et d'un esprit borné. Talmont continue. Léonora était une petite personne fort maigre et fort brune, de taille assez agréable, et quoiqu'elle eût tous les traits du visage beau, était laide à cause de sa grande maigreur. Comme elle était malsaine, elle s'imagina être ensorcelée, et de peur des fascinations, elle allait toujours voiler pour éviter, disait-elle, « i guardatori », les jetateurs, ceux qui ont le mauvais œil. Elle en vint jusqu'à se faire exorciser. On se servit de cela contre elle dans son procès, et aussi de trois coffres remplis de boîtes pleines de boulettes de cire, car en rêvant, elle avait accoutumé de faire de petites boulettes de cire qu'elle mettait dans ses boîtes. Léonora, sans sorcellerie, avait si bien séduit la reine qu'elle lui faisait croire tout ce qu'elle voulait. Ainsi, en 1609, elle lui persuada que le roi voulait l'empoisonner. Marie ne touchait plus à la cuisine du Louvre, elle refusait tous les plats que le roi lui envoyait de sa table et ne mangeait que les mets apprêtés par sa camériste. Bien qu'elle eût plusieurs enfants, elle redoutait un divorce qui n'existait certainement pas dans l'esprit de Henri IV. De là son insistance pour se faire nommer régente pendant la guerre qu'à cette époque préparait le roi, et ensuite son ambition de se faire sacrer en grande cérémonie. Henri IV reculait devant les dépenses, aussi considérables qu'inutiles, qu'entraînait la cérémonie du sacre. Mais, orgueilleuse et entêtée, Marie ne lui laissait point de répit. « Ah, maudit sacre !» s'écria un jour Henri avec amertume, « tu seras la cause de ma mort. » « Car, mon cher Sully, pour ne vous en rien seuler, l'on m'a dit que je devais être tué à la première grande magnificence que je ferai, et que je mourrai dans un carrosse, et c'est ce qui me rend si peureux. Laissez ces superstitions aux Italiens, sire. Et je ne puis m'empêcher de me rappeler que la reine Catherine, la lui-même du tournoi où Henri II fut blessé mortellement à l'œil, rêva qu'elle le voyait blessé comme il le fut, et s'étant éveillée, le supplia plusieurs fois de ne point courir ce jour-là, et de se contenter du spectacle du tournoi sans y prendre part. J'en pourrais citer d'autres exemples. Cependant, malgré sa répugnance et ses fâcheux pressentiments, le roi accéda au désir de sa femme. Marie de Médicis fut sacrée reine de France à Saint-Denis le 13 mai 1610. Le 14 mai, Henri IV était assassiné dans son carrosse, rue de la Ferronnerie. 3. La Régence et le maréchal d'Ancre. Le crime de Ravaillac plongea Paris dans la stupeur, et bientôt les soupçons se tournèrent vers la reine et son parti, que l'on nommait le parti espagnol. Depuis longtemps, Marie de Médicis ne vivait entourée que des ennemis du roi, les vieux ligueurs, les Espagnols et les Jésuites. Les Jésuites dont elle avait arraché à Henri IV, en 1603, leur établissement. Par qui Ravaillac avait-il été poussé à l'assassinat? C'est un mystère, mais il est rationnel d'accuser du crime ceux qui en profitent. Rien n'a été prouvé contre la reine, mais si on ne peut l'accuser, on ne peut cependant l'absoudre complètement. Car, disait le président Hainaut, elle ne fut ni assez surprise, ni assez affligée de la mort funeste d'un de nos plus grands rois. En effet, Marie, dans la soirée même du meurtre, s'occupa avec le plus grand sang-froid et la plus grande activité de ses intérêts politiques. Secondée par d'Épernon, elle prit toutes les mesures qui lui assuraient la régence et se mettait à l'abri d'un coup de main. Le règne de Louis XIII commença. D'Épernon, devant le Parlement assemblé, s'écria en frappant sur son épée. Elle est encore au fourreau, mais si la reine est déclarée régente à l'instant, il y aura carnage ce soir. La régente se mit à l'œuvre sans rencontrer la moindre résistance. Son œuvre consistait à détruire l'œuvre commencée par Henri IV et à faire tout ce qu'il n'avait point voulu. Ses collaborateurs, dans cette funeste tâche, étaient Concini, l'ambassadeur d'Espagne, le nonce et le père Coton. Sully fut tenu à l'écart d'abord, et peu après congédié. Sully n'avait rien à faire au milieu de ces insensés, de ces intrigants et de ces pillards. Débarrassée de son contrôle, la régente put puiser à pleine main dans le trésor national déposé par Henri IV à la Bastille. elle le mit à sec pour ses favoris, ses flatteurs et les impudents, qui ainsi que Guise, Condé et Nevers la menacèrent d'une guerre civile. Cette régence dura 4 ans. Nous n'avons pas ici à en faire l'histoire politique. Elle se résume en 2 mots, ruine du trésor public, abaissement de l'autorité royale. Ces actes importants furent le mariage de Louis XIII à Anne d'Autriche et celui de l'infant Don Philippe à Élisabeth de France. Et enfin l'élévation, la scandaleuse fortune du signor Concini. À peine Henri IV est-il mort, le favori de la reine achète le marquisat d'Ancre. Le nouveau marquis est nommé maréchal de France, bien qu'il n'ait jamais tiré l'épée. Il est nommé ministre, bien qu'il ignore les lois du royaume. Il succédait visiblement Henri IV, mais plus heureux que celui-ci, il était aimé, craint et obéi. Se pavanant dans sa haute fortune, l'insolent favori ne daignait même point prendre garde aux vanités qu'il blessait, à la jalousie qu'il excitait chez les principaux seigneurs. C'était Ruy Blas, moins l'intelligence et l'honnêteté. Il avait fait dresser dans Paris des potences pour y pendre les gens qui osaient mal parler de lui. Inutile d'insister sur la haine méritée que le peuple lui avait vouée. À la cour, à peine osait-on se moquer tout bas. Cependant, un jour, comme la reine disait, « Apportez-moi mon voile. » Le comte de Lude repartit en riant. « Un navire qui est à l'ancre n'a pas autrement besoin de voile. » Cependant, hors du Louvre, la résistance, ou plutôt la rébellion contre la reine et Concini, prenait des proportions menaçantes. Le maréchal d'Ancre leva 7 000 hommes à sa solde pour maintenir son autorité. Il fit éloigner les princes, et craignant de voir ceux-ci enlever le jeune roi, il voulut s'assurer de la personne de Louis XIII en lui ôtant toute liberté d'aller visiter ses villas des environs de Paris. Il le réduisit ainsi à n'avoir plus d'autre promenade que le jardin des Tuileries. Louis XIII s'irrita de cette captivité. Il ne pouvait avoir recours à sa mère, dont il connaissait les désordres, et que, tout jeune, il avait appris à craindre et à mépriser. Mais il avait près de lui un jeune homme aussi habile qu'audacieux, de Luynes, avec qui il complota le renversement du maréchal. De Luynes mit d'autres gentilshommes dans son complot, entre autres M. de Chaulnes, alors à Amboise, et que le roi appela secrètement à Paris, puis Bellegarde et le baron de Vitry. Dans le courant d'avril de 1617, il fut convenu que lorsque Concini viendrait faire visite au roi, celui-ci le conduirait dans le cabinet de sa collection d'armes sous le prétexte de demander au baron de Vitry, capitaine des gardes du corps, de lui faire voir le plan de la ville de Soissons, alors assiégée. Lorsque le maréchal d'Ancre serait dans le cabinet, de Luynes et de Vitry se chargeaient de le tuer. Toujours l'assassinat comme moyen politique. Le 24 avril, Concini sortit de sa maison sur les 10 heures pour se rendre au Louvre. Il était accompagné de 50 à 60 personnes, ces gentilshommes de 1 000 francs. Le baron de Vitry avait disposé ses hommes et attendait dans la salle des Suisses. Averti que le maréchal d'Ancre arrivait à l'entrée du pont dormant du Louvre, « Il est à nous, » dit-il. Il descendit rapidement, marcha droit à Concini et lui porta la main sur le bras droit. « Le roi, » dit-il, « m'a ordonné de me saisir de votre personne. »« De moi ?» fit Concini stupéfait. « Oui, de vous, » répliqua de Vitry, en lui saisissant le bras en même temps que de la tête il faisait signe à ses complices. Quelques hommes s'avancèrent et déchargèrent leurs pistolets sur Concini. Celui-ci, blessé, tomba sur les genoux. Il fit un effort pour se relever, mais aussitôt Vitry, d'un coup de pied, l'étendit à terre et l'acheva. Ce crime s'accomplit sans retentissement. Vitry fit enterrer le corps sans cérémonie, puis il se transporta à l'hôtel du maréchal d'Ancre, où l'on trouva des richesses considérables. En même temps, de Luynes se rendait chez la reine-mère et lui déclarait, au nom du roi, qu'elle était prisonnière au Louvre. Enfin, Léonora Dori, dite Galigai, était arrêtée et emprisonnée. Ainsi s'écroulait subitement cette honteuse fortune des Concini, sans qu'un seul de ses nombreux parasites osât se lever pour défendre son patron. Pas une épée ne fut tirée en faveur de ce maréchal de pacotille. Pas un cri ne s'éleva pour protester contre le meurtre qui inaugurait le règne de Louis XIII. Personne, enfin, ne prit le parti de la régente. Mais lorsque Paris fut instruit de la mort du favori, ce fut une explosion de joie. Malheureusement, des misérables se livrèrent en cette occasion aux plus dégoûtants excès. Ils déterrèrent le cadavre de Concini, le traînèrent dans la boue, puis, après l'avoir suspendu à l'une de ses potences, le reprirent, lui arrachèrent les entrailles qu'ils jetèrent à la Seine. Un cannibale fit même cuire le cœur et le mangea. Quant à Léonora, elle eut une fin encore plus cruelle. Accusée de sorcellerie par un parlement qui ne croyait pas aux sorciers, on procéda contre elle comme on le faisait au Moyen-Âge. On n'avait aucun autre sujet plausible d'accusation, il devait être immolé à l'opinion indignée. On l'avait bien interrogée au sujet du meurtre de Henri IV, mais sans obtenir aucun éclaircissement. On s'était donc contenté de la juger comme sorcière. Ses amulettes, ses boîtes remplies de boulettes de cire, les aveux qu'elle fit de ses croyances et de ses pratiques superstitieuses, suffirent à la convaincre de relations avec le diable et à la condamner à être brûlée vive. C'était bien la peine de prendre tant de précautions contre I Guardatori. On trouva chez elle, outre ses boulettes de cire, une quantité prodigieuse de diamants et de perles et des sommes considérables. Elle était avare. Tout ce que la reine obtint en faveur de son ancien ami, dont le sort doit vous rappeler la catanèse de Jeanne Ier de Naples, fut d'avoir la tête tranchée avant d'être brûlée. L'arrêt fut exécuté en place de grève. On peut dire que ces Concini avaient bien mérité leur sort, mais sans pour cela approuver la justice expéditive du jeune Louis XIII. De Luynes succéda au pouvoir au maréchal d'Ancre, mais il était, comme son maître, inférieur à la lourde tâche de réorganisation qui lui incombait. Les désordres de la régence avaient jeté la France dans la plus déplorable situation. Cette cour galante, tumultueuse, affamée d'argent, ses ministres sans talent et sans influence, cette reine, dont la volonté tournait à tous les vents du caprice ou de la passion, avait détruit tout le bien qu'avait fait Henri IV, ranimé le feu de la guerre civile et même relevé chez les grands seigneurs l'esprit de turbulence et d'indépendance féodale. La France avait besoin, pour refaire son unité nationale, du génie d'un Richelieu. Louis XIII déclara à sa mère que Dieu lui ayant donné un royaume, il était décidé à le gouverner lui-même. Parole présomptueuse que l'avenir ne devait pas justifier. Marie de Médicis, qui ne s'attendait point à tant de volonté et d'énergie, fit semblant d'y croire et chercha, dans une apparente soumission, le moyen d'échapper à la captivité. Elle était encore dans un abandon plus grand que celui où s'était trouvée la première femme d'Henri IV au lendemain de sa disgrâce. C'est qu'il n'avait jamais su plaire et se faire aimer. Et en outrageant le cadavre de Concini, comme en applaudissant à l'exécution de Léonora, c'était la reine Marie de Médicis que le peuple exécutait. 4. Au château de Blois. La reine-mère fut contrainte de demander son éloignement de la cour et se retira au château de Blois le 5 mai 1617. On la vit partir avec joie, et par un revirement dont nous avons déjà vu plus d'un exemple dans le sentiment public, au bout de peu de temps, comme Albert de Luynes avait accepté d'une façon trop complète la succession de Concini, comme aux abus de la régence succédaient de semblables abus et que le roi Louis XIII se montrait trop dur envers sa mère, on se mit à la plaindre. Un an et demi plus tard, aidée de d'Épernon, Marie de Médicis s'évadait du château de Blois en descendant par une fenêtre à l'aide d'une échelle de corde. D'Épernon la conduisit ensuite à Angoulême. Il se mettait ainsi en rébellion ouverte, et cependant Louis XIII se sentit si peu appuyé par le sentiment public qu'au lieu d'accuser D'Épernon du crime de lèse-majesté, il consentit à entrer en négociation avec lui. Une convention fut signée, puis bientôt après rompue, et la guerre éclata entre le fils et la mère. Celle-ci vit accourir auprès d'elle tous les ennemis de Louis XIII et de Luynes. On se battit au pont de C. De ce désordre, qui ne prouve pas en faveur du pouvoir dynastique, sortit un homme de génie et d'énergie, Armand de Richelieu. Il était alors surintendant des biens de la reine. Ce fut lui qui négocia la paix entre le roi et sa mère. Et depuis, il devint cardinal et entra au conseil. Marie comptait gouverner par lui et le pousser au ministère. Elle se crut de nouveau au pouvoir. Elle venait de se donner un maître. Bientôt ils cessèrent de s'entendre. Après l'expédition de La Rochelle, le désaccord était complet. Elle voulut le perdre, et ce fut la journée des dupes. Enfin, en février 1631, elle fut de nouveau arrêtée sur l'ordre du roi et enfermée au château de Compiègne, tandis que ses amis étaient jetés à la Bastille. Pendant 5 mois, on discuta sur le lieu qu'il convenait de lui assigner pour séjour. Tous les conseillers opinaient pour la Toscane. De son côté, la vieille reine avait bien rabattu de ses prétentions. Elle demandait la résidence du château royal et une pension. On voulait qu'elle allât à Florence. Pour échapper à cette humiliation, elle s'enfuit à Bruxelles. Là, sans ressources, cette veuve de roi, mère de roi, belle-mère de 3 souverains régnants, ne sait où reposer sa tête. Elle s'adresse au roi d'Angleterre. Charles Ier lui offre un asile, mais lui-même n'est pas assuré du lendemain. La reine bannie, errante, resta peu de temps en Angleterre et fut bientôt forcée de rentrer sur le continent. Elle se réfugia à Cologne. C'est là qu'elle mourut le 3 juillet 1642. Son fils l'avait laissée en cet exil dans une gêne voisine de la misère. Richelieu lui fit faire un service funèbre magnifique. Marie de Médicis mourut en pardonnant à son ennemi, mais comme le nonce du pape voulait obtenir d'elle qu'elle envoyât à Richelieu, en signe de réconciliation, un bracelet orné de son portrait, elle se retourna en disant « Ah, c'est trop !» Triste reine, qui fut plus nuisible qu'utile et dont les scandales ne furent rachetés ni par un acte de bonté, ni même par un trait d'esprit. Voyons sa bru, la reine Anne d'Autriche.